Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something white. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I like a child in your turn arms around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. J'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de ta voix. Je vais tomber dans tes bras. Je voudrais marcher dans tes pas. En avant dans les rêves, les deux yeux. Quand tu n'es tous les deux. Ensemble nous irons jusqu'au bout du chemin. Je tiendrai dans ton ombre si tu me prends la main. Retiens-moi si je sens que je suis ta prisonnière. Si loin de notre monde j'ai la tête à l'envers. J'ai vraiment besoin de toi. Si demain commençait ce soir. Il était une fois une femme amoureuse. Peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. Peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. A 100% francês, Express ET. Baladas. La Rafabian, La Différence. 1997. Nos injures, ils préfèrent la bouse. 100% francês, Express CT. Baladas. Pablo Villafranca, La Peine Maximum. 2000. Et puisque l'on a pour prison une terre dont le seul horizon est un désert. Et puisqu'il faut souffrir debout pour ne survivre ici qu'à genoux dans la poussière, puisque l'amour est inaccessible un jour. Le rêve trop lourd pour être libre un jour, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum. Et puisque nos appels se perdent et que notre ciel reste sans lumière et sans regard, où qu'on regarde, même s'y croire n'est qu'un recours devant le peu d'espoir qui nous entoure, qui nous égare. Puisque l'amour est inaccessible un jour et le rêve trop lourd pour être libre un jour, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum. Se mettre à genoux pour qui vouloir vivre debout, puisque l'amour est inaccessible un jour et le rêve trop lourd pour être que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum. Mais que Dieu me pardonne si de n'être % francês, Express CT. Baladas. Philippe Lafontaine, Dieu que la route est longue. 1995. Que la route est longue. jour et nuit se confondent dans les ornières où l'ombre nous suit. Tu que la route est longue sous les tessons d'éclats d'éclaircies. Ainsi les perles tombent sur le méandre qui se languit. La route longue par l'onde, quand la poussière se change en chemin, au bruit des pas, l'écho des signes, que les sabots tambourent. fr.blogspot.com 100% francês Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. 100% francês Express ET. Baladas. Tina Arena. Si j'avais le temps. 2005. Jamais la vie

sous le soleil d'automne. A 100% francês, Express ET. Baladas. Axel Red, A quoi ça sert? 1996. Bien souvent je me demande le but de ces efforts, le but de tout vouloir apprendre, de bouleverser mon sort. Je cours après la perfection, et je ne peux plus avancer, non plus m'arrêter. À quoi ça sert, ces sentiments profonds? Oh non, je me sens de travers, à force de voir mon monde à l'envers. Faut que je cesse de m'inventer des questions. Non, à quoi ça sert? Toutes ces nuits je me tourmente, je me culpabilise, des visions de bonheur qui me hantent, les gens me stigmatisent. Soif d'autodéfense me grise, je n'arrive pas à dessouler ni à m'effouler. À quoi ça sert, ces sentiments profonds? Oh non, à quoi ça sert de me gaver de ces goûts éphémères, de vouloir me redorer le blason? Non, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Francês, Express ET. Baladas. Patrick Fiori, Que tout revienne. 2000. Encore un jour qui se lève, encore un jour inutile, où la vie balaye les rêves alors qu'ils étaient tranquilles. Les bateaux quittent le port, quitte à ne jamais revenir, poussé par des vents plus forts, comme ceux qui t'ont fait partir. Et du passé qui s'endort, y'a plus rien à retenir. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que je m'en souvienne, je crois que tu...